yo sais déjà où je vais me faire. Chaud sur mon skin, obli de trois gars du Congo. C'est blindé à l'entrée, ça n'a pas l'air d'avancer. Je fais semblant d'être trop fun, j'évite les muggies, fais-moi rentrer. Ce soir c'est sûr, y'a les plus belles de Paname. Personne à ta table, t'es même pas michetonnable. Ce soir ne sors pas, c'est trop mal fréquenté. Les boîtes sont blindées de narcotrafiquantes. Ce soir ne sors pas, c'est trop mal fréquenté. Les boîtes sont blindées de narcotrafiquantes. De l'année, fais les pleins dans le carré, tu ne me reverras jamais, tout le monde est refait, je suis entouré, gangster, défoncé, je gère, elle essaie me faire, je suis blindé, je laisse faire, des millions d'euros dépensés dans la nuit, plus 10 bouteilles de demain, tu tapis, crotte de fontaine laissée sur mes habits, on a peur de personne, on ne parle quand on s'aime, ce soir c'est sûr, y'a les plus belles de Paname. Personne à ta table, t'es même pas michetonnable. Ce soir ne sors pas, c'est trop mal fréquenté. Les boîtes sont blindées de narcotrafiquantes. Ce soir ne sors pas, c'est trop mal fréquenté. Les boîtes sont blindées de narcotrafiquantes. C'est sûr, y'a les plus belles de Paname. Personne à ta table.